Petite somme théologique de saint Thomas d'Aquin, par l'abbé Frédéric Le Breton, tome 3, Gaumet-Dupré 1862. Question 6. De la cause de la foi. Si la foi vient de Dieu par infusion, si la foi informant vient pareillement. 1. La foi nous est-elle infuse par Dieu? La foi existe en nous par infusion. Saint Paul, parlant aux Éphésiens, leur disait, par la grâce de Dieu vous êtes sauvés au moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, de peur que quelqu'un ne s'en glorifie, c'est un don de Dieu. Éphésiens 2, 8. Pour croire, il faut deux conditions. Premièrement, des vérités proposées à notre esprit, secondement, notre assentiment. Sous le rapport des vérités proposées à notre esprit, la foi vient nécessairement de Dieu, car celles qu'elle enseigne sont si supérieures à la raison humaine, que nous n'en aurions nulle idée sans la révélation divine. Dieu les révèle à certains hommes d'une manière immédiate, comme aux apôtres et aux prophètes, et il les fait enseigner aux autres par les prédicateurs qu'il leur envoie. Sous le rapport de l'assentiment à ces vérités, la foi a des causes extérieures, telles que la vue d'un miracle ou la parole des hommes. Mais ni les miracles ni la parole ne suffisent à la produire sans la grâce intérieure. Ce qui le prouve, c'est que les hommes qui voient le même miracle ou qui écoutent la même prédication ne sont pas tous également touchés, les uns croient, les autres ne croient pas. Il y a donc une cause intérieure, invisible, qui nous détermine à donner notre assentiment aux vérités que Dieu nous a révélées. Les Pélagiens la faisaient consister uniquement dans le libre arbitre. Ils avaient tort. Puisque nous nous élevons par cet assentiment au-dessus de notre nature, il faut nécessairement que ce mouvement procède de quelques principes surnaturels qui agissent sur notre âme. Et ce principe, c'est Dieu même, aidant par sa grâce notre volonté. Donc, de toute manière, la foi est principalement en nous l'œuvre de Dieu, qui nous l'infuse par sa grâce. 2. La foi informe est-elle un don de Dieu? La foi informe est l'œuvre de Dieu, comme la foi formée. L'informité est une privation. Or les privations n'échangent pas toujours la nature des choses, elles n'en sont parfois que les accidents. Qu'un corps diaphane de sa nature soit privé momentanément de sa transparence, sa nature n'en est pas autre, car ce qui fait que ce corps est diaphane n'est pas la cause de son opacité actuelle. Il en est ainsi de la foi. L'informité ne tient pas à son essence. Elle n'est que l'absence d'une certaine qualité qui n'est pas essentielle à sa nature même. La foi, privée de sa forme qui est la charité, n'arrive pas, il est vrai, à la hauteur d'une vertu, mais elle est cependant un don que Dieu fait à certains hommes. Markendanarchive.org 2020, d'après Books Google FR. Licence Creative Commons pas d'usage commercial, partage à l'identique.